Bonjour à tous. Je vais remercier les précédents intervenants parce qu'ils m'ont facilité un peu le sujet. On va voir qu'il y a beaucoup de points communs, donc je vais pouvoir aller un peu plus vite sur les généralités. Donc, je vais vous parler des droits d'usage dans les forêts de la montagne vosgienne, et puis je vais choisir un exemple, parce que au fur et à mesure des dépouillements des archives, on arrive à trouver des choses fort intéressantes, et là, je vais cibler mon intervention sur l'exemple du banc de fraises. Alors, on verra un peu le contexte de ces droits d'usage, leur étendue, et puis quelle est la pression de ces droits d'usage sur la forêt, et quelles sont les autres pressions sur cette même forêt. Et puis, on parlera du cantonnement et de la disparition progressive de ces droits d'usage. Voilà, alors je voulais rappeler, avant d'aborder le sujet proprement dit, il y a eu trois thèses qui sont un peu fondamentales sur les droits d'usage. Je cite Emmanuel Garnier, qui a fait une thèse d'histoire, et puis Xavier Rochelle, une thèse de géographie sur la gestion forestière dans les Vosges. Et puis, donc ça, c'est deux thèses qui sont sur la période avant la Révolution. Et puis, il y a Aurélien Tavella, qui a fait une thèse de droit, lui, sur la fin de ces droits d'usage et donc les cantonnements. Donc, se situer un petit peu dans ce contexte, c'est assez difficile d'intervenir. Donc, j'ai préféré cibler mon intervention sur un cas qui n'a pas été trop étudié jusqu'à présent. C'est celui donc du banc de fraises. Alors, on se situe dans les Vosges. On est dans le duché de Lorraine, bien évidemment. On est à l'intérieur de la seigneurie de Tintru, dont le banc de fraises est une annexe. Donc, pour situer un peu ce banc de fraises, c'est les communes de Fraises, Plainfin et Le Valtin, donc entre Saint-Dié et le col du Bonhomme. Voilà, alors ces droits d'usage, avant de les détailler, on voit de cette carte qu'Aurélien Tavella a annoncée comme incomplète. On voit que quand on est dans la montagne vosgienne, elle est quasiment complètement rouge. Les espaces blancs sont des lacunes dans la documentation, c'est tout. Donc, on s'approche un peu de notre territoire, de celui qui va nous intéresser. Alors, ici, j'ai reconstitué, faute d'avoir accès aux documents de l'ONF et faute de les avoir trouvés dans les archives, qu'elles soient communales ou départementales, donc un état des forêts avant la Révolution. Vous voyez que tout ce qui est en bleu, complété par ce qui est en brun, qui sont les chaumes, ce sont les forêts seigneuriales. Et puis, ce qui est en vert ici, ce sont des forêts qui appartiennent déjà aux communautés. Donc, pour refaire un peu d'histoire des droits d'usage en Lorraine, on a en 822 la première charte des foresteries, c'est les habitations qui sont situées dans la forêt. On a parlé tout à l'heure de la loi de Beaumont, mais qui va avoir des influences en Lorraine et jusque dans les Vosges. Et puis, on a la grande polémique sur laquelle je ne vais pas revenir, ça fera un sujet à lui tout seul, le partage des forêts de Remiremont entre le chapitre de Remiremont et la propriété ducale, bon, qui se termine mal pour le chapitre de Remiremont, puisqu'en 1579, le duc s'approprie ses forêts. Par contre, plus pragmatiquement, sur les droits d'usage dans le secteur du banc de fraises, on a un premier écrit en 1668, mais il fait appel à des droits immémoriaux. Donc, on ne sait pas s'ils ont été écrits avant. En tout cas, à cette date-là, ils sont confirmés par la Cour de Nancy et ils sont suivis l'année suivante par une délimitation entre ce qu'on appelle les forêts des hautes limites, qui sont les forêts seigneuriales, et les basses communes, qui sont les forêts communautaires. Ces droits sont confirmés en 1686 par les co-seigneurs du banc de fraises. En 1726, on a un arrêt de la Cour de Nancy qui va confirmer ces droits d'usage, mais ça reste relativement flou parce qu'on ne sait pas quels sont exactement les usagers, c'est les habitants et communautés, et quelles sont les quantités qui vont être donc réservées pour les habitants, c'est les bois nécessaires à. Donc, nécessaire au chauffage, nécessaire à la construction des habitations. Et puis, en 1787, date très mal choisie, mais bon, Ce n'était pas intentionnel. Il y a une première demande de cantonnement qui va émaner des seigneurs de Fraise. Ils en ont ras-le-bol de voir les habitants du secteur de revendiquer des choses à l'intérieur de leur forêt. Ça fait suite à de très longs, différents et nombreux qui sont en général tranchés à Nancy, hein, faute d'accord local. Et donc on a cette première demande de cantonnement. La Révolution ne déchoit pas les seigneurs de leur propriété, donc ils en restent propriétaires. Et en 1807, on recommence, et ça va aboutir en 1812 à un cantonnement des forêts du banc de Fraise. Cantonnement qui va être généralisé dans toute la Lorraine, hein, on va retrouver ce même problème. Et donc ça s'étend sur plus de la première moitié du 19e siècle, hein, pour régler tous les litiges, souvent entre les forêts ducales et les droits d'usage des habitants des communes. Alors le droit d'usage, il est très variable suivant les régions, suivant les communes même. Hein. Il consiste toujours en bois d'affouage, donc autrement dit de chauffage, et après il va s'étendre, se décliner suivant les communes. On va trouver du bois pour les professionnels, donc c'est pareil, je vais le détailler ensuite. Hein. On a le marronnage ou le bois de devis, qui est le bois réservé à la construction des habitations des paysans locaux, hein, et aussi à la réparation. Hein. On a la veine pâture, donc ça a été dit tout à l'heure, donc c'est pour les bovins, et puis on a la grasse pâture pour les porcs en général. Bon, sur ces deux problèmes, je n'y reviens pas, parce que ça n'a pas une incidence de premier ordre sur la forêt. Donc on va commencer par les affouages, donc de ce que j'ai pu retrouver en dépouillant les registres conservés de la grurie du banc de Fraise. Donc on va être dans la grurie du banc de Fraise, puis après dans la maîtrise de Saint-Dié. Donc là, pour l'année 1761, c'est là qu'on a vraiment conservé tous les documents. Donc on peut avoir un dépouillement exhaustif. On s'aperçoit qu'en moyenne, on délivre 2 sapins et 1 hêtre pour le bois de chauffage par foyer, et que s'y ajoutent des usages pour les professionnels. Alors un boulanger a droit à 9 sapins, donc c'est intéressant de voir qu'on faisait du chauffage au bois de sapin. Bon, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est sur la composition de ces forêts, à mon avis, c'est 90% de résineux et 10% de feuillus, qui sont essentiellement des hêtres. Pour le maréchal Ferrand, on va lui délivrer 25 petits hêtres pour fabriquer son charbon de bois, et les charrons et sabotiers auront droit à 4 hêtres. Et puis, il y a aussi le bois de clôture, des héritages pour les censitaires. Les censitaires, c'est des domaines qui sont attribués à l'intérieur de la forêt. On les verra un peu tout à l'heure. Donc, il y a une nécessité de clôture, hein, déjà pour délimiter ces terrains, et puis ensuite pour se défendre des animaux de la forêt. Alors, j'en arrive aux boîtes de vie, hein. Autrement dit, le marronnage, qu'est-ce que ça représente sur la pression forestière? Quelles sont l'étendue de ces droits? Alors, moyennant un devis fait par un professionnel, chaque habitant de ce banc de Fraise a le droit à la délivrance de boîtes pris dans les forêts, donc des hautes limites, dans les forêts seigneuriales. Alors, sur un exemple précis, ici, il s'agit de la délivrance de 178 pieds d'arbres, sapins, hein, les termes sont repris exactement, pour réparer à neuf leur maison située à la vieille voie à plein fin, en montant le col du Bonhomme. Hein. On peut localiser très précisément cette habitation. Je vous détaille, mais je ne vais pas le lire. Donc, on sait pour chaque pièce de bois quelle est son utilisation. Donc, on est dans une ferme lorraine de la montagne vosgienne. Le bois dans la construction de l'habitat est quelque chose de très important. Hein, ici, au centre, je vous ai mis une coupe de l'habitation entre la grange et l'écurie, et on voit que toute cette structure n'est composée que de bois. On a une photo aussi. La photo qui est en haut est une petite remarque annexe. On a même une période, à la fin de la guerre de 30 ans, donc à l'extrême fin du 18e siècle, où on a eu recours au bois pour faire les encadrements de portes de grange. Bon, je pense qu'à cette période-là, on avait plus le savoir-faire pour tailler le grès. Donc, je vais prendre que la première pièce, c'est la plus grosse. Hein. On a, donc pour la construction de cette maison, on a 2 bois d'arbres, donc de 50 pieds de long et de 14 pouces de section, utilisés pour les seuils. Donc le seuil, c'est la pièce de bois qui est dans la coupe que vous avez ici. Cette pièce, elle fait donc, quand on la remet en mètres, 40 cm par 40 cm, donc vous imaginez, et elle fait 15 mètres de long, quasiment, hein, puisque 14,50 m. Alors j'ai repris le détail de ce devis, on s'aperçoit qu'il y a un volume de bois charpenté de 120 m3, donc ce qui donne en gros à la louche hein, un volume de bois sur pied de 240 m3, en prenant des beaux sapins qui font 6 m3, ça en fait 40. Hein, donc il faut se donner un peu des idées. Bon, on ne construit pas des maisons où on n'en rénove pas à l'appel chaque année, mais c'est une pression sur la forêt qui est non négligeable. Bon, deuxième partie, hein, c'est le bois de couverture. Le bois de couverture, donc ça veut dire que tous les bâtiments sont couverts d'essis, hein, donc des bardeaux en français. Alors on trouve la déclinaison du mot localement assez variable. Ici, on parle d'essaim. Donc ça fait en gros un pied de long, 10 cm de large, 1 cm d'épaisseur, et ça sert à couvrir les toitures. Donc je vous ai mis des exemples ici. Hein, avec une toiture qui était couverte d'essis et qui, par la suite, a été doublée de tuiles, et puis avec l'effondrement, donc les tuiles sont tombées et on voit réapparaître la couverture d'essis. Donc ces essis, elles sont taillées dans des billes de bois d'un pied de long, donc une trentaine de centimètres, elles sont fendues. Donc, de manière à être dans le fil du bois. Donc ici, ben, on va délivrer 14 pieds d'arbres pour la quantité de 21 milliers d'essaims pour la construction d'une maison nouvelle à plein fin. Et puis, il y a aussi des délivrances qui sont très courantes pour la réfection des fontaines. Ici, on a la délivrance de 10 pieds d'arbres, sapins toujours, pour corps de fontaine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps de fontaine ? Ben, je vous en ai mis une photo en bas à droite. Hein. En gros, ça fait 4 mètres de long, un diamètre de 10 à 20 cm de circonférence, et puis on le perce, et ça sert de conduite. Ensuite, on va les assembler avec des viroles métalliques, et on peut faire comme ça, par exemple, pour la conduite qui dessert le banc de Saint-Dié à plein fin, donc le cœur du village, on a une fontaine communale. Il en faut 270 de 14 pieds de long, soit 1,80 km de tuyauterie. Voilà, donc si on rentre encore un peu dans les détails, ce qui est intéressant de voir, c'est d'arriver à estimer ce que c'est que ces pieds d'arbre, parce qu'en fait, ça signifie tout et n'importe quoi, puisqu'on parle de pieds d'arbre pour un corps de fontaine, aussi bien que pour un seuil. Donc vous avez, ici, j'ai reconstitué un sapin, et j'ai essayé de voir ce qu'on peut en tirer. Ben, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour tirer un seuil de 40 par 40 par 14,50 m de long, ben, il faut un sapin d'un diamètre de 75 cm. Donc, ce n'est déjà pas le sapin courant, ce n'est plus celui qu'on exploite aujourd'hui. Hein, c'est un beau sapin, hein, sûrement pas loin d'un siècle. Et puis, on va tirer des montants de charpente, on va tirer des chevrons, le corps de fontaine, donc on est déjà quasiment dans la cime de l'arbre, et puis l'extrémité et les branchages, hein, le houppier, hein, c'est surtout pour les feuillis qu'on parle de houppier, ça va servir au bois de chauffage. Et puis, il me restait une grume, donc je l'ai utilisée pour faire du bois de scierie. Bon, faut savoir que tout le bois de charpente est équarrie à la hache, hein, directement, et il n'y a que certaines billes qui vont aller dans les scieries. En général, c'est des billes de 4 mètres de long avec un diamètre, en général, de 50 cm. Après, on verra apparaître au 19e siècle une classification des diamètres d'arbres. Le bois de scierie, c'est un diamètre supérieur à 32 cm. C'est décrit très, très précisément. En fait, ça correspond à un mètre de circonférence. Voilà, alors, dans la forêt, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce qu'on trouve encore des bois de cette taille-là ? Bon, je vous rassure, on en exploite encore aujourd'hui, dans cette même forêt de fraises. Hein, ici, le tas que vous avez à gauche, hein, ça correspond à 3 sapins débités en tronces de 18 mètres, avec un diamètre de pied de 80. Voilà, alors j'ai essayé de quantifier un peu tous ces usages pour voir quel volume ça correspond. Si on est sur le diagramme de gauche, on est en pied d'arbre, donc ça n'a aucun sens, puisque une fois qu'on reconvertit tout en mètres cubes, vous voyez que du coup les corps de fontaine, ça disparaît complètement, puisque en fait c'est pas des arbres, c'est simplement des cimes qui seraient passées en bois de chauffage. Hein. On s'aperçoit que l'affouage, c'est quand même la majorité, c'est plus de la moitié de ce bois. La clôture est non négligeable, le bois pour les professionnels aussi, et puis le marronnage, donc le bois de devis, c'est quand même relativement restreint comme usage. Hein. Ça, c'est toujours sur la même année, c'est en 1761, la seule où on ait vraiment toutes les données, à la fois la fouage et le marronnage. Autant sur les devis, on retrouve facilement le marronnage, mais on ne sait jamais si c'est complet hein, sur une année. Là, c'est la seule où on est sûr d'avoir des sources fiables. Donc, on en arrive à la pression sur la forêt, donc on en a vu une partie. Quelles sont les autres choses qui font une certaine pression? Alors, on est dans les forêts, ce qu'on appelle des hautes limites, elles portent bien leur nom, puisqu'on est au ras de la route des crêtes. Donc, sur les crêtes, on va avoir toutes les chaumes et leurs marqueries, avec, au cours du XVIIIe siècle, une tendance à l'expansion. Hein. On mord sur la forêt, au départ, c'est ce qu'on appelle des répandisses. Petit à petit, bah, ça disparaît, donc on a tendance à rogner encore un peu plus. On a aussi ce qu'on appelle les assensements, donc vous voyez le mitage dans la partie droite, hein, qui est la forêt des hautes limites, qui est fait par les assensements. Donc là, c'est des seigneurs locaux qui donnent une terre, moyennant un cens, donc une location. Et donc, on voit que cette forêt est complètement mitée. Dans les autres pressions, bah, y a des ventes exceptionnelles de bois de chauffage qui sont faites par les seigneurs. En particulier, on en a une énorme en 1772. Donc ça veut dire que la forêt n'est pas complètement exploitée, hein. S'il reste encore du bois de chauffage à fournir. Donc là, c'est du bois de chauffage qui est vendu en Alsace. Et puis, on a les scieries, dont on n'a pas encore parlé, et on va voir que leur pression n'est pas négligeable. Ici, les scieries, bah, j'ai rapporté dans le petit diagramme la quantité de bois consommé par les scieries par rapport au droit d'usage. Hein. Donc, on voit son importance. Alors, les scieries, comment ça fonctionne ? Ici, sur les schémas qui sont en dessous, le petit tableau, vous avez en vert les scieries qui sont seigneuriales et en rouge celles qui sont privées. Donc on voit qu'au fil du temps, elles vont disparaître, les scieries privées. Une scierie seigneuriale, c'est loué par beau de 3 ans. On y adjoint un nombre de pieds d'arbres bien défini, donc 150 en moyenne pour chaque scierie. Et donc c'est la quantité d'arbres qui doivent scier au cours de l'année. Ces scieries, elles sont louées. Souvent, ce sont des exploitants qui viennent de Saint-Dié, voire de Raon-l'Étape, donc quand même à une distance assez longue, et qui les louent en bloc. Et puis, on s'aperçoit que ces scieries, hein, bon, ça a fait l'objet de pas mal de discussions. Est-ce que les scieries, ce sont des choses qui sont mobiles? Ben, la réponse est claire, c'est non. Hein. Une scierie, c'est installée à un endroit, c'est bâti sur des fondations en dur, et ça fonctionne un certain temps. S'il n'y a plus de bois à scier, on va interrompre le fonctionnement, c'est pas compliqué, la scierie elle est louée pour 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, on va arrêter cette location jusqu'à ce que la forêt soit en demeure de fournir du bois de sciage. Et puis, les petites zones grises que vous avez dans le diagramme, ça correspond aux reconstructions ou aux travaux importants sur ces scieries. Donc, on en a qui vont s'arrêter définitivement, on en a qui s'arrêtent pour des périodes de 10 ou 20 ans et qui repartent ensuite. Voilà, on voit aussi sur le dernier diagramme en bas que le bois, la quantité de bois scié est quand même relativement variable. On a une première partie avant 1750 où on a un usage assez important. On est à peu près à 1500 pieds d'arbres qui sont délivrés, alors qu'on va tomber en dessous de 1000 après cette période-là. On a des hauts et des bas, alors ce n'est pas compliqué à expliquer, ces hauts et des bas. Quand vous avez un haut, c'est qu'il y a une tempête, donc il y a plein de chablis, donc on va les délivrer aux scieries avec une avance sur l'année suivante, ce qui explique qu'on ait un creux juste après. Voilà, donc maintenant on va parler du cantonnement proprement dit. Qu'est-ce que c'est que le cantonnement ? Vous voyez que les seigneurs étaient bien embêtés, on allait puiser sans qu'ils aient leur mot à dire dans leur forêt, il suffisait de produire un devis, je construis ma maison, j'ai besoin de 100 pieds d'arbres, et il était obligé de les délivrer. Donc le seigneur, il dit, bah, je vais vous céder une partie, céder à la communauté une partie de la forêt, vous exercerez vos droits d'usage dedans, et uniquement dedans. On ne pénètre plus dans la forêt seigneuriale après le cantonnement. Alors, comment ça se passe ? C'est les eaux et forêts qui sont chargées de régler ça, appuyées par la justice. Hein, on va avoir recours à des jugements de la Cour de Nancy. Hein. Ici, alors, on va procéder d'abord à l'estimation de ces droits d'usage. Alors on va essayer de déterminer à qui ils sont affectés, à combien de foyers, à quel type d'usager. Est-ce qu'on prend en compte les bois communaux qui existent déjà? Alors je vous donne ces quatre facteurs parce qu'il y a autant de cantonnements que de solutions différentes. Ici sur Fraise, on est dans un cantonnement qui est très précoce, qui va initier toute la série. Donc on va avoir des statuts qui sont complètement différents de ceux qu'on prendra pour les derniers cantonnements. Donc vous avez un extrait du jugement de Nancy, on voit qu'il y a 362 chefs de famille, il y a 276 maisons, il y a 225 fours, il y a 120 rabaissés. Alors une rabaissée, ça correspond à une extension de la ferme en général sur l'arrière, dans le prolongement de la pente du toit. Il y a 176 auges et il y a 7975 corps de fontaines. Donc ils ont été décomptés, hein, je ne dirais pas un par un, mais donc on a un décompte très précis qui est fait. Donc j'ai résumé ça dans un tableau. Je ne m'intéresse pas au Valtin parce que le Valtin a un statut un peu particulier, les droits d'usage y sont réduits. On peut mieux travailler sur Fraise et Plainfin. Alors le forestier chargé de ce règlement, en appui sur le jugement qui a été rendu, décide que les habitants de Fraise et Plainfin vont avoir droit à 5,5 stères par foyer. Alors, il faut savoir que la référence qui a été retenue, c'est celle du premier cantonnement, 1787. Il y a certains cantonnements qui retiendront la date du cantonnement. Donc, vous êtes 50 ans plus tard, avec une population qui a plus que doublé, ça change tout. La charpente et couverture, c'est 3 stères de bois. Hein, ici, encore, l'unité qui a été choisie, c'est le stère de bois. Après, ce sera de l'argent, donc c'est beaucoup plus sujet à controverse, et donc on a 276 maisons qui sont retenues pour Fraise, c'est les 276 maisons qui étaient construites en 1787. Et puis, bon, je ne continue pas, mais on a donc droit à 0,01 stère pour les corps de fontaine par maison, etc. Là, on a tout le descriptif, on va calculer le volume en stère, et ensuite, on va calculer le volume que peut produire chaque parcelle en une année. Et donc, on va faire l'échange de terrain. Alors, voilà à quoi ça conduit. Vous avez à gauche la carte avant le cantonnement, à droite, la carte après le cantonnement. Ce qui est en gris, c'est les parcelles qui vont passer de propriétés bon, qui ne sont plus seigneuriales, qui sont devenues privées au-delà de la Révolution, mais qui vont devenir... Donc, avec le F, ça appartient à la commune de Fraise. Donc, en gros, si j'essaie de montrer si ça marche... Et là, non. Bon, ça ne marche pas. Central, le rouge. Voilà. Donc, la commune de Fraise va recevoir, toute cette partie-là, qui deviennent des forêts communales. Et à Plainfin, on va attribuer celle-ci, celle-ci et celle-ci. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails pour la commune de Plainfin, parce qu'il y a les sorbitaires qui ont des droits un peu particuliers. Les habitants de Havoru, qui est un quartier qui a un statut encore particulier dedans. Donc, on va s'arrêter là. Alors, que deviennent ces droits d'usage passés ce cantonnement? Que leur arrive-t-il jusqu'à maintenant? Bon, on a déjà dit quelques mots. Les maisons qui ont un droit de marronnage sont celles qui ont été construites avant 1787. Donc, au fur et à mesure, leur nombre va réduire. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on est passé d'une gestion de ces droits d'usage qui était souvent du ressort du duc, en dernier ressort, à une gestion strictement communale. C'est la commune qui est responsable, et les propriétaires forestières, c'est elle qui doit délivrer. Donc, au fur et à mesure des changements de municipalité, ces droits d'usage ils se rétrécissent. Le seul qui a survécu au XXe siècle, c'était l'affouage. Et l'affouage, vous voyez que si on regarde un peu le petit diagramme qui est en dessous, c'est la croissance de la population. Si on se réfère à la date de 1787, où on avait droit à 5 stères, quand vous passez 50 ans plus tard, la population a doublé, et un siècle plus tard, elle a triplé. Bon, on est dans les vallées textiles, donc ça explique la démographie. Donc ici, on voit qu'en plus, il y a des usages qui changent. On ne va plus faire des tuyaux de fontaine en bois, on va les faire en grès. Les couvertures en essie sont interdites à partir de 1850, on impose la tuile. parce que naturellement les bâtiments sont trop inflammables. Et puis, donc aujourd'hui, ces droits d'affouage, ils ont quasiment disparu. Mais il ne faut pas oublier que les rapports des communes, de la forêt communale dans les petites communes de la montagne vosgienne, aujourd'hui, c'est leur première ressource de financement. Donc, même si ce n'est plus les habitants qui en profitent directement, ils en profitent indirectement par l'intermédiaire de la commune. Je vous remercie.